Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. David Paquin est réalisateur. Dans son documentaire « Rencontre chamanique, l'instant magique », il retrace la vie de Frédéric, un Français atteint d'un cancer à l'âge de 36 ans. D'abord suivi par la médecine allopathique, Frédéric comprend que pour s'en sortir, il va devoir changer radicalement de thérapie. Il part alors en Amazonie pour se faire soigner par les chamans. Au bout de 10 jours, Frédéric revient en France définitivement guéri. Le documentaire « Rencontre chamanique, l'instant magique » retrace l'incroyable parcours de Frédéric. Ben d'abord, c'est un double titre. Donc moi, mon idée, c'était... Bon, c'est parti, je m'intéressais au chamanisme depuis assez longtemps. Je voulais faire un film, on va dire, plus thématique, quoi, plus général, sur qu'est-ce que le chamanisme. Et dans ce projet-là, où j'en étais à la phase d'écriture, j'ai rencontré Frédéric, qui m'a expliqué son histoire. Donc son histoire, c'est, ben, il la racontera, hein, mais c'est une maladie assez jeune, à 36 ans, atteint d'un cancer, avec un suivi de chimiothérapie pendant 7 mois, et puis à un moment, il se retrouve un peu au pied du mur. Et par une rencontre, il va décider d'arrêter la chimio et de partir en Amazonie en espérant la guérison. Donc j'ai rencontré Frédéric, j'ai décidé de faire ce film, j'ai proposé, on va dire assez naturellement, instinctivement, de dire on t'a notre chance, on va voir en Amazonie, on part tous les deux, et on va dire que le premier mois c'est repérage. Bon, je suis parti avec le matériel quand même, et là on savait à peine si c'était possible, si Ricardo allait dire oui, j'accepte de faire le projet, ou etc. Et voilà, et ça c'est l'histoire a démarré comme ça, puis ça se suffisait à elle seule, quoi. Cette histoire était assez forte, il y avait assez de choses à dire, et le film est né comme ça. Je vous l'expliquerai après peut-être, mais moi j'ai appelé Rencontre chamanique pour une lecture occidentale, on va dire. Mais là-bas on ne parle pas de chaman, c'est chaque communauté a son médecin traditionnel qui s'appelle Nowishin. Et je pense que pour nous la meilleure traduction serait chaman. Même si ça reste un mot très générique où on met plein de choses dedans. En tout cas, leur formation vont la faire en étant liés à la nature, liés au tout. Et ils vont vivre dans un monde d'énergie et leur guérison sera basée sur cette connaissance de ce monde-là. Frédéric, je vais écouter après un peu comment s'est passée la rencontre. Tu me raconteras où vous vous êtes rencontrés et quelle a été ton histoire. Mais j'aimerais quand même qu'on redéfinisse un peu le mot chaman. Qu'est-ce que c'est que pour toi un chaman? Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui quand on parle de chaman? Parce que c'est un mot qui fait rêver. Je pense que c'est un mot très générique aujourd'hui. Le chaman a ses sources en Sibérie. Et puis on a eu tendance à mettre le mot chaman partout. Par exemple, en Amérique latine ou en Amérique du Nord, on parle de chaman alors que les Indiens d'Amérique du Nord, c'est un homme médecine, medicine man. Là, on est dans un territoire amazonien où on parle de Wishin. Donc le mot chaman n'est pas très employé en Amérique latine, mis à part dans les Andes. Je crois que pour moi, ce qui est important dans le chamanisme, c'est que ça a sa source chez les peuples premiers. Et c'est une connexion à un type de connaissance. Ricardo dit souvent, il y a la connaissance qu'on apprend dans les livres, qu'on apprend à l'école, etc. Et il y a le savoir. Et le savoir est de l'ordre du direct, on reçoit des informations, des éléments et de la nature. Et donc voilà, c'est ce savoir-là qui est de l'ordre de la révélation, de l'intuition, qui est accessible, qui est là autour de nous, et il suffit d'ouvrir une porte pour y accéder. Et après, à savoir que... Moi, je dirais qu'il y a peut-être en nous, en chacun de nous, un chaman, c'est-à-dire dans le sens où c'est celui qui sait. C'est-à-dire qu'on a tous accès à ce savoir. Après, il y a une grande différence entre celui qui va guérir, celui qui va parler aux esprits, etc. Ça, c'est une voie qui n'est pas facile. Et c'est à mettre à part. Tout le monde ne peut pas être ce chaman-là, c'est clair. Par contre, tout le monde a accès, pour moi, à une connaissance, un savoir intuitif. Tu dis que ça fait longtemps que tu t'intéresses au chamanisme. Est-ce que tu sais pourquoi tu as commencé à t'intéresser à ces hommes? Pour aller très, très vite, j'ai une éducation évangéliste, ma mère était évangéliste, et donc pendant mon adolescence, j'ai vraiment grandi avec ces notions de bien et de mal, et ça m'a énormément troublé dans mon adolescence. Ce que je fais là, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, j'avais pas de repères. Et à 24 ans, j'ai commencé par des lectures sur le chamanisme, et ça m'a troublé parce qu'on parlait plus de bien et de mal. On parlait de négatif, de positif et d'équilibré, d'être en harmonie dans sa vie entre des énergies négatives et positives. Mais il y avait plus de, j'avais plus de culpabilité, j'avais pas tous ces éléments-là. Et donc c'est ce qui m'a attiré en premier, quoi. Et puis je crois qu'on vient tous de là, quoi. C'est le chamanisme, c'est sa source dans la nature, et c'est ce lien-là qu'on peut entretenir. Donc voilà, quoi. Ça m'a aidé à aller vers une spiritualité sans mes troubles, en mettant à côté ma culpabilité et plein de choses. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Alors quand on lit le synopsis, ce documentaire retrace la vie d'un Français atteint d'un cancer à l'âge de 36 ans. Donc ce Français, ben, c'est toi, Frédéric. Donc tu peux me raconter la rencontre et comment s'est passé pour toi cette rencontre et tout ce qui en a découlé derrière. Cette rencontre avec Ricardo. C'est une rencontre comme on a chacun des rencontres dans sa vie, mais celle-ci arrive à un moment où on vient de m'annoncer que j'ai un cancer et elle vient mettre une proposition dans mon parcours thérapeutique classique. C'est-à-dire que je rencontre Ricardo, comme pas mal de gens, puisqu'il était venu faire une rencontre en France, et je sortais de la première chimiothérapie. J'ai senti qu'il y avait quelqu'un qui avait quelque chose pour moi. Il me le laisse entendre rapidement, mais en même temps, avant de prendre une quelconque décision, il faut toujours le temps d'incuber. Donc j'ai incubé pendant 7 mois auprès des médecins traditionnels de notre pays. Et au moment où il reconnaissait être un peu à court de bienfaits pour moi, ça m'a laissé la porte ouverte à réfléchir sur ce que la vie m'avait donné à rencontrer ce petit homme de la forêt. Et ça m'a laissé sentir finalement qu'il était temps pour moi, si je voulais en finir avec cette maladie, de prendre une décision, une vraie décision qui venait de moi et pas d'un staff. Et n'importe quel staff que ce soit, il faut à un moment donné prendre une décision pour s'engager dans la vie. En tout cas, à la porte de la mort, il m'en fallait une, c'était urgent. Et ça m'a juste été une rencontre, quelque chose, une lumière laissée 7 mois avant, lors de son passage. Et là, par l'intermédiaire de Jean-Patrick Costa, qui apparaît dans le film et qui est à l'origine finalement de la rencontre de Ricardo et de l'Europe, puisque c'est un ethno-pharmacien, je vais retourner voir Jean-Patrick et il va pouvoir me guider jusqu'à la maison de Ricardo en Amazonie. Et c'est-à-dire que le film, il retrace un petit peu l'avant, à 36 ans, un cancer, pourquoi ? Juste une réflexion en fait, avec un dialogue avec Frédéric. Après, on est allé dans le même lieu et on a refait un soin et on montre une guérison possible, c'est une évocation. Et après, il y a plusieurs voyages de Frédéric là-bas. Et donc la rencontre avec cet homme de la forêt Ricardo, cet Ouichin, et qu'est-ce qu'il a à nous dire, qu'est-ce qu'il y a, quoi, qu'est-ce qu'il y a derrière une guérison comme ça, qu'est-ce que tous les possibles qu'il a présentés, essayer de comprendre comment il fonctionne, quel rapport il a avec la nature dans sa nature à lui, c'est-à-dire la forêt amazonienne. Donc toi, Frédéric, tu es parti une première fois là-bas tout seul. La première fois, toute première fois, je pars donc avec Jean-Patrick Costa, hein, qui lui à l'époque organise des voyages. Mais je pars pas juste parce que simplement une intuition. Je réponds à une invitation de Ricardo qui était en France, me dit qu'il peut clairement quelque chose pour moi dans mon état, mais il faudra que j'aille le voir parce que en France, dans ce monde-là, il sera vite à court par rapport à sa pharmacopée, par rapport à son monde, par rapport à ceux qui l'accompagnent dans son travail. Et, c'est à ça que je réponds. Et donc je me lie à un groupe d'une dizaine de personnes pour un séjour de 15 jours, mais une dizaine de jours concrètement. Quelle était la démarche ? L'objet de ce voyage, cette proposition de la part de Jean-Patrick, c'est rencontre chamanique, ça s'appelait comme ça, c'est-à-dire qui sont ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont à nous proposer. Et c'était une rencontre un petit peu musclée par rapport à, faut pas penser à un voyage touristique, loin de là, non, des gens dans une démarche de se rencontrer. Donc déjà, ça synthétisait une équipe, mais après, de se rencontrer un peu plus profondément, et puis, pourquoi pas, au travers de cet homme-là, et parce qu'il il a un message à faire passer, et en même temps, chacun, à son niveau, ressentait la possibilité de se rencontrer au travers de cette forêt, au travers de cette connaissance, et au travers surtout de la bienveillance de Ricardo. Alors ce qui est incroyable, c'est que bon, tu es parti de la France, tu avais un cancer, tu avais fait une chimio, ou peut-être plusieurs. Sept mois de chimio, et tu es arrivé là-bas dans l'envie de guérir, bien sûr, et ça a marché. Voilà, c'est ça qui fait le titre du film, l'instant magique. C'est-à-dire que cet instant magique, c'est le moment où... contre toute attente, si on dit qu'il n'y a pas d'attente, ce qui est faux. À ce moment-là, en tout cas, cette espérance, c'est l'espérance de tout malade, c'est celui de guérir, mais encore faut-il identifier qu'on ait vraiment envie de guérir, envie de vivre. À partir de ce constat, il peut se passer quelque chose, c'est-à-dire que le praticien va pouvoir nous aider. Ça serait un autre débat que de rentrer là-dedans, mais en même temps, moi, mon envie était pleine. J'étais ouvert à sa médecine, instinctivement, et puis la magie peut opérer. C'est-à-dire qu'au fil de ses soins, pendant 10 jours, de tout ce qu'il aura pu me donner, me prodiguer comme soin, à un moment précis, les éléments de la nature... le flux énergétique de ce qu'il m'aura transmis me permet d'identifier clairement que je suis guéri, que le phénomène cancer est à rebrousse-poil, c'est-à-dire que la cellule a trouvé un contre. Et c'est un moment distinct, c'est un moment qui évidemment restera dans ma mémoire, et en même temps c'est un espace-temps très très défini et qui me permet de m'appuyer là-dessus pour savoir, sentir que je suis guéri, et qu'à partir de là va commencer l'autre guérison, c'est-à-dire celle qui va faire une renaissance. On arrive au monde, mais il faut à ce moment-là réapprendre à marcher, et ainsi de suite. Donc il y a une suite, en tout cas Ricardo me redonne un capital énergie, un capital santé. Ce qui est incroyable, c'est bon, ici on base tout sur la médecine allopathique, on va pas chercher forcément le mal à la racine, on va soigner par la chimie, par la médecine. a quand même l'impression qu'aujourd'hui les médecins sont très puissants. Et là, ce qui est rigolo, c'est qu'on voit un homme de la forêt, comme tu disais, qui est tout petit, qui a réussi ce qu'aucun médecin n'a réussi à faire avec l'armada de médicaments, de technologies qu'on met en œuvre pour aujourd'hui guérir les personnes atteintes du cancer. Oui, parce que dans un armada, si on en oublie, si on oublie les fantassins ou si on oublie une partie de l'armée et qu'on laisse ça à l'arrière, il y a forcément un échec à l'arrivée. S'il y a en face une équipe, une armée plus organisée, c'est un fiasco. Dans ce que je veux dire par là, c'est que Ricardo, d'entrée de jeu, me dit qu'il n'y a pas un corps à soigner. Il y en a deux. Il y a la partie biologique, physique, et la partie psychique. Ce que nous, on ne voit pas et ce que les médecins ne considèrent pas. Il y a forcément un dérèglement psychologique, un dérèglement émotionnel qui conduit le corps à un dérèglement énergétique. Et donc, dans cette médecine, dans ce genre de médecine, on essaye de rassembler les deux. Et il n'y a aucune polémique là-dedans, c'est juste un souci de considérer l'individu dans son entièreté. Ça me fait penser aussi à la médecine holistique, qui considère qu'on a même quatre corps, donc le corps physique, le corps émotionnel, mental et spirituel. Oui, on aime bien fragmenter, quatre, certains diront sept, peu importe, on a une dimension, en tout cas, qui n'est pas aussi distincte que l'œil veut bien nous le montrer, elle est bien au-delà de ça, et c'est à ça qu'il faut penser quand on a envie de mieux fonctionner. On ne peut pas... on a tout un tas de dimensions à nos côtés, dans l'air que l'on respire, l'eau que l'on boit, le raccordement à chaque élément de vie nous est proposé à chacun. En même temps, on passe bien à côté de tout ça. C'est assez simple. Et en même temps, je crois que même aujourd'hui, dans la médecine traditionnelle, on commence à ouvrir là l'acupuncture, quelques formes que ce soit de détente pour pouvoir accueillir un procédé, même chimiothérapique. Mais on commence à penser qu'il faudra peut-être ouvrir d'autres portes dans la psyché pour pouvoir avoir de meilleurs résultats. Mais on commence à penser à ça. Donc toi, avec le recul, quelles sont pour toi les clés de la guérison? Si tu devais rencontrer quelqu'un de malade, quelle que soit la maladie finalement, parce que comme tu le dis, quand on prend en considération la globalité de l'être humain, il y a plusieurs corps, donc quand on soigne le corps aussi éthérique, on peut pas seulement soigner un cancer, mais peut-être une dépression, un mal de ventre, quelque chose de chronique. Donc toi, quelles sont les clés que tu vois aujourd'hui avec ton expérience et que tu as envie de donner à ceux qui ont quelque chose à guérir? Bien, celle qui me paraît évidente, c'est de savoir déjà quel projet de vie on a. Et je ne sais pas, envie, peut-être parce que simplement je suis la victime d'un accouplement d'un soir d'été entre deux individus. Je suis déjà là décideur de ce que je me programme déjà pour venir au monde. À partir de là, à un moment donné, il faut pouvoir prendre ce phénomène en conscience. C'est quelque chose que j'ai décidé moi-même. J'ai décidé d'être en vie. Si je suis malade, il y a quelque chose qui est important d'identifier en tant que dérèglement de cette santé. La santé nous est donnée. On va dire à 95% des cas, la santé nous est donnée. Des dérèglements émotionnels, des fausses routes, mais pour ça, je pense que c'est un manque d'identification de ce que je veux faire. Qu'est-ce que je veux faire? Je dis ça aujourd'hui parce que je me suis trouvé au pied du mur. J'ai été obligé de me poser cette question par une maladie. Mais si je peux donner une clé toute simple, c'est que rester en vie et profiter et jouir pleinement de cette vie nous demande à chaque moment d'être attentif à ce qu'elle nous propose et de pouvoir être actif, être acteur de cette vie, effacer le système victime-bourreau. Il n'y a pas de victime-bourreau. Je suis acteur de ma vie, je mets en place je récolterai ce qu'aujourd'hui je sème. Et qu'est-ce que je sème? Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est assez simple, mais en même temps, ça... Voilà, et de temps en temps, on a besoin d'aide. Et dans ce que m'a enseigné Ricardo, c'est que l'aide est tout autour de nous, dans ce qui est vivant et privé par un état inné d'émotion. ce qui est privé d'émotion, c'est la nature. La nature n'a pas d'émotion. Et tous les règnes vivants nous proposent sans cesse de nous communiquer une énergie de vie. Et je pense que c'est à ça qu'il faut souvent se raccorder. Je pense pas que ce soit le fait simplement de se déplacer géographiquement, non, c'est juste de se rassembler pour dire vers quoi maintenant je vais. Et c'est vrai qu'il y a certaines situations dans la vie qui ne nous laissent pas le choix, si tant est que, et pour moi je crois pas vraiment, on a toujours un choix possible à un moment précis. C'est le mental, le menteur qui nous fait penser qu'on n'avait pas de choix. Et je crois pas. Je ne crois pas qu'on a tous un choix et des moments où on doit s'engager et qu'il faut se rassembler ses forces, rassembler ses économies, rassembler. On a beaucoup de tendance et dans notre société, tout est fait pour se disperser. Peut-être qu'il faut penser à se rassembler de temps en temps. Et peut-être aussi surmonter les barrières qu'on se met, les barrières de la peur, peur de l'inconnu, peur d'y aller parce qu'on ne connaît pas. Oui, c'est toujours les résultats d'un dispersement. La peur est... Au plus on est dispersé, au plus on a peur. Et si on se rassemble 5 minutes, on se dit, mais quelle est cette peur? Il n'y a pas vraiment lieu d'en avoir vraiment peur, finalement. C'est vrai, d'aller voir une araignée au fin fond d'une chambre, le jour où on se demande si elle est grosse, on se dit, tiens, c'est la première question à se poser. Et puis on fait peut-être quelques pas dans ce noir et on voit que l'araignée n'est pas si grosse que ça. Il n'y a plus de peur. Donc toi David, j'en reviens à toi, tu as rencontré Frédéric et donc vous avez décidé ensemble de retourner sur les traces de Ricardo pour faire ce documentaire et qui retrace donc la vie de Frédéric. Mais qu'est-ce que tu as voulu montrer à travers ton documentaire? Je pense que la première chose, c'est j'étais parti sur un sujet beaucoup plus structuré sur le chamanisme. Et première chose, c'est que je rencontre deux personnages que je trouve très authentiques. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils vivent ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et déjà ça me touche beaucoup et j'ai envie de montrer ça. J'ai envie de montrer une honnêteté de... Je ressens ça, je suis ça. Et que ce soit dans ce qu'on pourrait appeler aussi des défauts, hein, dans ce qu'ils sont, quoi. Mais je rencontre deux personnages authentiques, ça c'est... Et j'ai envie de les faire rencontrer au public. Parce que je pense qu'on a... Sur ça, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Ouais. On n'est pas toujours authentique. Et, en tout cas, on n'est pas toujours dans cette démarche d'essayer d'être juste et vrai avec soi et les autres. Quoi. Alors il y a ça. Il y a, je pense que la deuxième chose, c'est quand même une très très belle histoire. Pleine d'espoir et... Puis qui correspondait avec ce que j'avais envie de dire aussi, parce qu'il y a vraiment une implication de ma part, mais si je reprends l'instant magique, je travaille dans l'audiovisuel, la photo. On en parlait tout à l'heure avec Frédéric, si on regarde la vie d'un photographe, ça tient à 200 images, c'est 2 secondes de vie. Et finalement, à un moment donné, je veux dire, on avance dans la vie, et il y a un moment où on va prendre une décision, mais c'est un moment. On peut travailler 10 ans pour prendre ses décisions à un moment donné, mais les choses se font dans des petits moments comme ça. Et voilà, Frédéric, qui dans un moment prend une décision d'aller là-bas. Dans un moment aussi, je pense qu'il y a son corps qui lui dit « c'est bon, t'es guéri ». Et finalement, on rencontre Ricardo qui lui vit sans arrêt comme ça. Dans la magie, l'énergie, elle est fluctuante. Il y a des moments où il y a des choses qui arrivent, des réponses, des solutions. Mais moi, tout à l'heure, on parlait de la peur. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours le frein, la peur. Moi, je crois surtout, c'est la responsabilité aussi de se dire je suis face à des choix et j'en fais un. Tant pis si je me trompe, mais j'en fais un. Moi, j'ai plein de peurs. Par exemple, l'Amazonie... Je suis allé 1 an et demi dans ma vie en Amérique latine. Je suis jamais allé en Amazonie. J'aime pas trop les serpents. Je me sens pas spécialement à l'aise dans la grande forêt. Avec ces peurs-là, j'y vais sans problème. J'y vais sans problème. C'est juste la responsabilité de se dire j'ai peut-être quelque chose à vivre. Mais si quelque chose à vivre, il faut aller voir une peur. Alors j'y vais pas tout le temps, mais je suis pas sûr que ce soit le plus gros frein nos peurs. Moi, je pense c'est juste de comprendre qu'on est on est responsable et que on a des décisions à prendre et on agit. Et tant pis, on accepte de se tromper, on apprend quoi. Moi, je vois aussi le côté message à donner, parce que la maladie tue aujourd'hui beaucoup de monde en France et dans le monde, la maladie, le cancer ou d'autres. Et là, c'est vraiment un message d'espoir que dire que prenez les choses en main, prenez-vous en main, parce que peut-être que ce qu'on vous dit, c'est peut-être pas la meilleure des réalités pour vous. Et qu'on peut peut-être en allant au-delà, en se donnant les moyens d'avancer, de croire en soi, de peut-être guérir quelque chose de profond. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage. Regarde ailleurs. Chemin le plus court pour se découvrir soi. Croire en soi, croire surtout en la vie, en ce que vraiment ce caractère sacré de la vie, comme si on avait soif, on allait s'abreuver à une rivière, sans croire vraiment qu'elle puisse nous désaltérer fondamentalement. C'est dommage. La vie n'a de cesse que de vouloir passer en nous, et ce sont nos schémas, notre structure mentale, encore une fois, qui nous fait douter. Et c'est vrai que quand une maladie arrive, elle vient nous dire quelque chose. C'est dans son nom, c'est comme ça que c'est indiqué, mais elle vient nous dire quelque chose. Et elle vient nous dire peut-être qu'en vivant, ou en buvant, en ayant pleinement conscience, confiance, surtout confiance en ce qui nous est donné. Guérir d'une maladie, reprendre confiance en la vie. On s'aperçoit que la forme pensée de dire négativement toujours je vais pas bien, je suis pas bien, puis après effectivement je suis malade, mais on peut inverser le processus. Il faut, on peut. Tout est possible. Ça c'est une phrase de Ricardo. Todo es posible. Todo es posible, c'est à chaque instant on peut recréer sa vie. On peut faire un pas devant l'autre, gauche et droite, et puis pourquoi pas faire 2 pas de droite, 2 pas de gauche. On peut faire ce qu'on veut, là. Mais en identifiant un petit peu le travail me commande, ma femme... Mais pourquoi ? Ça nous arrange bien. Peut-être je n'ai pas assez réfléchi sur ce que j'avais encore une fois envie de vivre, vraiment. Et à partir du moment où je vis par mimétisme, une femme, des enfants et tout ça, que j'en souffre, peut-être il faut en changer. Peut-être si c'est important pour moi de faire du tennis, je vais faire du tennis. Je ne vais pas le vivre à la télévision, je vais chercher une raquette, je vais m'inscrire dans un cours de tennis. On voit trop de procurations dans la vie. Elle nous demande juste de se pencher, de la prendre à pleine main et puis d'étancher sa soif. Je pense que c'est un gage de longue vie. Oui, moi je voudrais rajouter quelque chose, c'est quand même aussi le grand intérêt du film. La Ricardo est complètement accessible et Frédéric nous le rend encore plus accessible. Et c'est vrai que c'est la rencontre de ces deux personnages et un film qui nous ouvre une porte vers le message de la grande forêt. Et ça c'est... je vis ça et je suis content de transmettre ce film. Parce que c'est vraiment un cadeau, quoi. C'est-à-dire que les gens peuvent recevoir ce message de la grande forêt par cette rencontre-là. Et donc le film s'appelle Rencontre chamanique de la France à l'Amazonie, réalisé par David Paquin. Merci à tous les deux. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Cette émission est proposée et montée par l'association Regarde ailleurs. Pour mieux nous connaître, rendez-vous sur notre site internet